Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com et aussi à la radio au CHU 89.1 FM à Ottawa, le CVR 103.5 FM à Yellowknife et le CFRT 107.3 FM, c'est Fret à Iqaluit. Je m'appelle Mathieu et bien sûr jusqu'à la fin, pendant les 60 prochaines minutes, je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. On a commencé avec l'émission avec le groupe Chaviré, le groupe français qui a sorti un EP ou un album très récemment. L'album s'appelle Des bruits qui restent. C'est en fait c'est leur démo, mais avec deux nouveaux morceaux. Et je vous ai fait jouer un de ces deux nouveaux morceaux. Le morceau si c'est de la racaille. Très bon album, si vous pouvez, c'est disponible en écoute libre et en téléchargement libre à partir de leur site Bandcamp, dont l'adresse exacte m'échappe en ce moment, mais visitez souspressionpunk.com si vous n'êtes pas déjà là. Je vais mettre le lien sur le site web. C'est ça, je continue en musique avec les 3-8, le groupe de Grenoble. Ils ont sorti un album l'année passée. Je vais jouer le morceau à chaque fois qu'on sort. Alors, voici les 3-8 à Sous Pression. Allez, pour le verre de l'amitié. Allez, escribimos esta canción para ti. Esta dedicación nunca se borrará. Montréal qui a fait feu sur trois jeunes. Alors ce soir, des gens ont voulu manifester leur colère et ça a dégénéré. Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Ashgan de leur album La Société du Mépris. C'était le morceau Personne ne mérite d'être adulé. Les ordures ioniques avant ça de la plus récente EP. L'EP s'appelle Kick la cacane et la chanson s'appelle Faux départ. La gâchette de leur album Quoi qu'il advienne, le morceau Villanueva. Ce morceau-là, un hommage à Freddy Villanueva, un adolescent qui était assassiné par la police à Montréal. Et on a commencé le bloc avec les 3-8 de leur album éponyme. C'était le morceau « Chaque fois qu'on sort », les 3-8 qui seront en tournée au Québec et un peu en Ontario cet été. J'ai vraiment hâte de les voir. Ils vont faire peut-être peut-être un ou deux shows en Ontario, j'espère à Toronto, je sais pas, on verra. En tout cas, je vais m'assurer de me rendre, les voir, peu importe où ils vont jouer. Alors c'est ça, je continue la musique, je vais jouer du Guérilla Poubelle, maintenant de leur plus récent album, l'album Amor Fati, et je vais faire jouer le morceau Lera quitte le navire. Alors voici Guérilla Poubelle à sous pression. We'll be right back.

Alors, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Les Vulgaires Machins de leur album Aimer le Mal. C'était le morceau Scatophile. Alors, Scatophile, quelqu'un qui aime jouer avec du caca. Le monsieur avant ça de leur album Le Dégel, c'était le morceau Le Dégel. Zabriskie Point avec monsieur Le Contrôleur de l'album Paul. Brigitte Pop avant ça de leur album Highway to Punk, c'était le morceau Chez Monsieur le Préfet. Et on a commencé le bloc avec du Guerrier Poubelle, le morceau Les Rocs quittent le navire de leur album Amour Fatih. Alors, c'est le moment à mi-chemin de l'émission, là, plus ou moins, que je vous rappelle à ceux et celles qui écoutent à la radio à Ottawa, Yellowknife ou Iqaluit que l'émission Sous Pression a un site web, c'est souspressionpunk.com. Alors, si vous écoutez à la radio, allez checker ça. Si vous êtes déjà à l'écoute de l'émission à partir du site web, ben merci beaucoup d'avoir visité le site web. On a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Ou bien allez sur Facebook, faites une recherche pour sous pression. C'est la page avec une espèce de une petite image noire et rouge. Vous allez voir ça. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. Et bien sûr, si vous voulez me contacter plus directement, vous pouvez bien sûr le faire à partir du site web et à partir de Facebook. Mais vous pouvez aussi faire par courriel. Envoyez-moi un message info@commercialsouspressionpunk.com. C'est le info@commercialsouspressionpunk.com. Alors envoyez-moi un message, demande spéciale, commentaire, plainte, partagez de la musique, n'importe quoi. Allez-y, ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Alors là, maintenant que j'ai tout dit ça, je continue la musique avec le bloc sono mondial. C'est un moment de l'émission où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe Suzio 13. Et je crois bien sûr que le groupe vient de l'Espagne. Je vais faire jouer deux morceaux par le groupe, un morceau de leur premier album, Nuestra Suerte. Et ensuite, je vais jouer un morceau de leur plus récent album, Imparables. Le morceau No Caminara Solo. Et le premier morceau que je vais faire jouer c'est de leur premier album, c'est Atracos. Alors voici Suzio 13 sous pression. Pura luz. Alors, c'était du Suzio 13 de l'album, enfin, deux morceaux. Le premier morceau, Atracos, de l'album Nuestra Suerte. Et ensuite, de l'album Imparables, c'est le morceau No Caminaras Solo. Je continue maintenant avec du rock québécois, du WD-40, le morceau Tout pour le rock à sous pression. 11, 12, 13. Tout pour le rock. veut passer sur notice. Mass production veut pas sortir notre disque. Non, Dean Record veut pas sortir notre disque. Carnage Burst veut pas sortir notre disque. Alors si c'est comme ça, plus personne sort de disque. Alors si c'est comme ça, plus personne sort mon disque. Carnage Burst veut pas sortir notre disque. Pas sortir de notre disque. Panda Records veut pas sortir de notre disque. Salut, c'était le 8-6 Crew de l'album Bad Bad Reggae, le morceau Un doute qui plane. Esclaves salariés avant ça avec leur morceau Vos héros, vos dieux. Poésie Zéro avec la crise du disque de l'album bleu version 2014 bien sûr, pas l'album bleu de version 2012. Les Marmottes Placies, avant ça, le morceau Tu vas danser, désert culturel de l'album Tant qu'on aura la colère, c'était le morceau du même titre, Tant qu'on aura la colère. Et on a commencé le bloc avec du WD-40, le morceau Tout pour le rock. Alors c'est ça, je vais vous laisser avec un dernier morceau, un morceau par Traître, un groupe je crois qui vient de Lille. On a sorti un EP récemment, tout récemment, l'EP s'appelle Dors bien, vraiment vraiment bon groupe. C'est quelque chose d'intéressant là, qui se passe en France en ce moment avec avec des groupes, plein de bons groupes qui sortent des bonnes du bon matériel, dont Traître, je pense Syndrome 81, les 3-8, etc. Il y en a plein. Mais là, je vous fais jouer un morceau de Traître, le morceau Dors bien de l'EP Dors bien. Excellent groupe, voici Traître. Passez une excellente semaine et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Joie qui sature, sans faire d'effort, ça continue.